était une fois un petit brontosaure qui s'appelait Petit Pied. Il vivait dans un monde merveilleux, mange-feuilles. Les arbres étaient en forme de sucette, les fleurs étaient des hamburgers et leurs feuilles étaient en gruyère. Les montagnes étaient de gros gâteaux au chocolat et le volcan crachait des cerises confites. Dans le volcan, il y avait un gentil dragon qui crachait de l'or et des diamants. Il faisait toujours beau et quand il neigeait, il tombait du pop-corn. Son meilleur ami, un singe, s'appelait Poil à gratter. Avec Gros Minet le tigre, ils se baignaient dans la rivière de jus d'orange et ils aimaient faire du vélo avec tous leurs amis. Ils étaient très heureux car il n'y avait pas d'école. Un jour, la maman de Petit Pied lui dit « Va faire les courses ». Elle lui donne une liste. Un poulet fruits rôti, 3 fleurs hamburger, 2 kg de feuilles gruyère, 6 papilles oranges, un paquet de scarabs bonbons, 5 kg d'herbes carottes râpées. Petit Pied est content car c'est la première fois qu'il va faire les courses. Mais comme il ne sait pas lire, il prend au hasard. Ensuite, il va voir le dragon pour payer. Le dragon a besoin d'argent car il doit replanter la nourriture. Mais comme Petit Pied ne sait pas compter, il lui donne toute sa richesse. Ensuite, Petit Pied rentre chez lui. Maman, je suis revenu. Sa maman regarde dans les sachets. Mais mon petit, tu as acheté n'importe quoi. Où est la monnaie? Mais le porte-monnaie est vide. Qu'as-tu fait? J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tu as fait n'importe quoi. File dans ta chambre. Tu n'iras plus jamais faire les courses. Quand il est dans sa chambre, Petit Pied se jette sur son lit pour pleurer. Pour se calmer, il va à la fenêtre pour respirer à fond. Il voit le dragon voler dans le ciel. Petit Pied pleure tellement que le dragon l'entend. Alors, il va voir le petit brontosaure. Mais je vois que tu as un gros chagrin. Pourquoi pleures-tu? Maman m'a grondé. Et il raconte toute l'histoire. Le dragon est embêté parce qu'il a pris tout l'argent de Petit Pied. Alors, il décide de l'aider. Je voyage de pays en pays. Je sais qu'en France, il y a des écoles où on apprend à lire, à compter et à écrire. Veux-tu y aller? Oh oui, je veux y aller. Alors, je te donne une pierre magique. Si tu la casses, elle te fera voyager dans les pays que tu souhaites. Merci beaucoup, c'est super. Petit Pied, tout excité, jette la pierre de toutes ses forces, les yeux fermés, en faisant le vœu de partir à l'endroit où on apprend à lire et à écrire. Quand il ouvre les yeux, il se retrouve à l'école Aristide Briand. Toutes les personnes qui passent à côté de lui en ont peur. Au secours! Il y a un dinosaure qui vient nous dévorer! Les gens hurlent, les femmes s'évanouissent, les enfants courent dans tous les sens, les hommes s'enfuient en voiture, les chats et les chiens filent le ventre à terre. Ils sont tous morts de peur. Petit Pied est triste parce que personne ne l'aime, alors qu'il est si gentil. Alors, il se cache derrière une voiture bleu foncé. Une dame arrive et pose son sac dans le coffre de l'auto. Elle voit Petit Pied. Il pleure tellement qu'elle n'a pas peur de lui. « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« Tout le monde a peur de moi. Pourtant, je ne suis pas méchant. J'ai juste envie d'aller à l'école. »« Ah bah ça tombe bien, je suis une maîtresse. Je me présente, je m'appelle Madame Mine. Viens avec moi, les enfants vont t'adorer. » Elle l'emmène, il s'installe au fond de la classe. Il est heureux d'apprendre. En plus, les enfants l'aiment très fort. Comme il travaille bien, il va bientôt pouvoir rentrer chez lui et refaire les courses. C'est maman qui va être contente.